La ville respire au rythme des lumières. Rail de skill glisse, silhouette qui éclaire. Vice City brûle sous des ciels roses et gris. Chaque rue cache un plan, chaque regard un pari. Yeah. Les ombres dansent sur les façades éclatées. Les deals se trament, chaque mouvement calculé. Riders qui avance, regard froid, poing serré. Dans ce luxe toxique, chaque souffle est payé. Les néons caressent la peau des passants. Riders qui l'observent précis, élégant, élégant. Une fumée s'élève, parfum de danger. La sensualité frappe, le crime et son balai. Riders qui règne dans la chaleur urbaine. Pas de fou, chaque plan devient reine. Vie shadow s'étend, riche et cruel. Chaque victoire éclaire, chaque défaite en sorcelle. Yeah. Riders qu'il fera précis, aucun témoin. Alliés fidèles, ennemis éliminés. Dans chaque coin sombre, son nom est gravé. Le parfum de l'interdit flotte dans la nuit. Dans la nuit. Riders qu'il sourit, aucun bruit ne fuit. Bruit ne fuit. La ville danse sous son contrôle total. Chaque mouvement écrit un destin brutal. Riders qui règne dans la chaleur urbaine. Pas de fou, chaque plan devient reine. Vie shadow s'étend, riche et cruel. Chaque victoire éclaire, chaque défaite en sorcelle. Riders qui disparaît dans les néons. La ville respire intacte et glacée. Shadows marque l'ombre de son nom. Ratoli Rapperie.